La femme heureuse par Maurice Lepel. Le catalogue du salon de 1905, où ce portrait avait obtenu un grand succès, mentionnait seulement en face du numéro de réception ce titre vague « Portrait de Madame L.D. » auquel bientôt, d'un choix unanime et spontané, le public avait substitué cet autre « La femme heureuse ». C'est sous ce titre que, marchandé par le musée du Luxembourg, par quelques marchands connus et des amateurs éclairés, il avait finalement été enlevé par un milliardaire de la 5e avenue. Il trônait là, dans une galerie somptueuse, estimé surtout pour les dollars qu'il représentait, parmi des primitifs, les maîtres de l'école anglaise ou flamande, des Boucher, des Fragonard, des Raphaël, des Murillo, des Corot et des Courbet, des Manet et des Goya, accrochés au hasard, et selon la dimension des cadres. Chef-d'œuvre plus ou moins authentique, de qui la facture acquittée constituait les lettres de noblesse. En France, la gravure et le chromo en popularisaient toujours les traits. On le voyait aux devantures des marchands de cartes postales, à l'étalage des maisons dites d'art moderne. Un parfumeur s'en était servi pour baptiser un parfum et le lancer. Enfin, durant presque un été, il avait été de mode, à Deauville, de se coiffer à la femme heureuse. Chose étrange, cette diffusion n'était pas arrivée à le rendre vulgaire. Les critiques s'efforçaient bien, comme il est d'usage, d'en discuter la valeur. Les marchands, résignés à ne point le posséder, d'en parler avec une indulgence un peu dédaigneuse. Et les snobs lui préféraient des productions de quoi l'on ne sait si elles sont des caricatures, des mystifications d'atelier, ou l'œuvre d'un candidat à la paralysie générale. Mais il dégageait un tel charme, même offensé, déformé par la reproduction, que l'on ne pouvait le regarder sans plaisir ni l'évoquer sans émotion. En vérité, le bonheur irradiait de ce front étroit, à peine ombré par de petits bandeaux châtains, inégaux, de ses yeux plutôt souriants que rieurs, imperceptiblement relevés vers les tempes, de la bouche entrouverte, de l'ovale du visage, du fruité de la chair, de la splendeur encore gracile des épaules et de la gorge, de l'abandon, du calme et de la joie qu'une pose tranquille, l'éclat du ciel et la douceur du paysage répandaient alentour. Le hasard voulut que ce tableau revint en Europe lorsque Lola de Rieux se maria. Comblé de tout, maniant au fond des tiroirs les dentelles inestimables comme font des coupons les bourgeoises à la devanture des magasins les jours de solde, ramenant à poignée les perles de ses sautoirs, hésitant au moment de sortir entre les diamants, les saphirs et les rubis, ainsi que d'autres hésitent entre des nœuds de ruban, dégoûté des meubles anciens à force de n'avoir plus la place ou les mettre ni le temps de les désirer, elle souhaita posséder la femme heureuse. Son mari, que le souci des affaires avait de tout temps plus occupé que les choses de l'art, l'acheta aussitôt sans le connaître, le lui envoya sans l'avoir vu, et dit simplement en rentrant le soir « Eh bien, vous l'avez maintenant, ma chérie, êtes-vous contente ?»« Au-delà de toute expression, » répondit-elle, et elle le conduisit pour le contempler dans le boudoir où elle l'avait fait installer. Une lampe horizontale en éclairait le haut, répandant sur le visage et les épaules une clarté amoureuse. Lola s'était assise, les pieds croisés sur un coussin, les mains fermées sur les bras du fauteuil, le buste souple, la tête un peu penchée de côté. Il regarda d'abord le portrait longuement, puis sa femme, puis de nouveau le portrait et murmura. « C'est fort beau. Mais ne trouvez-vous pas, quoi donc, qu'il vous ressemble ?»« Vous me flattez, » dit-elle, « je n'ai plus cet âge. Vous êtes toujours belle, et deviez être ainsi il y a quelques années. » Elle en convint et reprit sa contemplation en silence. Lui tira de sa poche un papier qu'il froissait, elle demanda. « Que lisez-vous avec tant d'attention ?»« Oh, rien, » dit-il, « la facture. » Elle se mordit les lèvres, agacée de ce souci inélégant. Il ne se méprit point sur la signification de son regard et corrigea. « Ce n'est pas le prix que je regarde, mais ceci. Portrait de Madame L.D., dit la femme heureuse. Et je songe au hasard qui veut que, vous ressemblant tellement, il porte les initiales de Lola de Rieux. » Elle se tut, le considéra entre ses paupières mi-closes et voyant son visage pâle, un peu contracté, avoua. « Oui, c'était moi. Mais on dirait que cela vous chagrine. Pourquoi ? Parce que ce portrait est trop connu ? Parce qu'on en a trop parlé ? Parce qu'il évoque mon passé d'actrice ? Non, dit-il en secouant la tête. Mais parce que je pense qu'on ne prend pas à volonté un tel sourire, que tout sur cette toile crie votre joie de vivre. Enfin, que vous devez être tellement, tellement heureuse quand on le peignit ? N'est-ce pas que c'est vrai ? Elle réfléchit. Je ne crois pas. Je ne me souviens pas. En êtes-vous bien sûr ? Je le pense. En tout cas, le passé n'est rien. Il est terrible quand on le regarde et qu'on compare. Je vous aime et vous respecte trop pour être jaloux dans le présent. Et voici que le passé me déchire. Sentiment injuste et stupide, sans doute, mais je ne sais ce que je donnerais pour vous voir, ou vous avoir vu, depuis notre mariage, l'expression de béatitude, d'allégresse que je lis sur ce tableau. Ne souhaitez pas cela, dit-elle à mi-voix. Il se pencha sur son épaule jusqu'à effleurer sa nuque. Je vous rappelle de trop chers et de trop cruels souvenirs. Elle le repoussa, sans colère, et fit non d'un signe. Il s'emporta presque, lui, qui tremblait toujours à ses côtés. « Alors, pourquoi ?»« Parce que, » répondit-elle, et cette fois son doux visage prit une expression d'implacable dureté. « Parce que, quand j'ai posé pour ce portrait, mon premier mari venait de mourir. » C'était « La femme heureuse » par Maurice Lebel.